Derdi dilim le le le le le le le le le le le le le bejnate ye hatta habim le dunya ya haba dilim le le le le le le le le le le le le le le le bate ye وزيد قرمنا قرمتنا بينم شافم لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي رياتي فاشي بجناب لنشافي بلقنا بيبين دينا لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لسرخوا Delalay delal, delalay delal, delalay delal, delalay delal, delalay delal. Dert edilim le le le le le tu delalim. Diyar Bekir derketim le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le Evçen sale ditna delalam dilim de bu ye le le le le le le le le le le le le le le le kul bereze Delalay delal delalay delal delalay delal delalay delal delalay delal Derd edilim le le le le le le le